Josué chapitre 11. Et aussitôt que Jabin, roi d'Atsor, eut appris ces choses, il envoya à Jobab roi de Madon, et au roi de Saron, et au roi d'Aksaf, et au roi qui habitait vers le septentrion, aux montagnes et dans la campagne, vers le midi de Kinaroth, et dans la plaine, et à Naphod d'Or vers l'occident, aux Cananéens qui étaient à l'orient et à l'occident, à l'Amoréen, à l'Éthien, aux Phérésiens, aux Jébusiens dans les montagnes, et à Léviens sous Hermon au pays de Mitzpah. Ils sortirent donc et toutes leurs armées avec eux, un grand peuple, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Par leur multitude, il y avait aussi des chevaux et des chariots en fort grand nombre. Tous ces rois-là s'étant donné assignation, vinrent, et se campèrent ensemble près des eaux de Mérom, pour combattre contre Israël. Et l'Éternel dit à Josué, « Ne les crains point, car demain, environ cette même heure, je les livrerai tous, blessés à mort, devant Israël, tu couperas des jarrets à leurs chevaux, et brûleras au feu leurs chariots. » Josué donc et tous les gens de guerre avec lui vinrent promptement contre eux près des eaux de Mérom, et les chargèrent. Et l'Éternel les livra entre les mains d'Israël, ils les battirent, et les poursuivirent jusqu'à Sidon la Grande, et jusqu'aux eaux de Masréphoth, et jusqu'à la campagne de Mitzpah, vers l'Orient, et ils les battirent tellement qu'ils n'en laissèrent échapper aucun. Et Josué leur fit comme l'Éternel lui avait dit, il coupa les jarrets de leurs chevaux, et brûla au feu leurs chariots. Et comme Josué s'en retournait en ce même temps, il prit Hatsor, et frappa son roi avec l'épée, car Hatsor avait été auparavant la capitale de tous ces royaumes-là. Ils passèrent aussi toutes les personnes qui étaient au tranchant de l'épée, les détruisant à la façon de l'interdit, il n'y resta aucune personne vivante, et on brûla au feu Hatsor. Josué prit aussi toutes les villes de ces rois-là, et tous leurs rois, et les passa au tranchant de l'épée, et il les détruisit à la façon de l'interdit, comme Moïse serviteur de l'Éternel l'avait commandé. Mais Israël ne brûla aucune des villes, qui étaient demeurées en leur état, excepté Hatsor, que Josué brûla. Et les enfants d'Israël pillèrent pour eux tout le butin de ces villes-là, et les bêtes, seulement ils passèrent au tranchant de l'épée tous les hommes, jusqu'à ce qu'ils les eussent exterminés, ils n'y laissèrent de reste aucune personne vivante. Comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse son serviteur, ainsi Moïse l'avait commandé à Josué, et Josué le fit ainsi, de sorte qu'il ne mit rien de tout, ce que l'Éternel avait commandé à Moïse. Josué donc prit tout ce pays-là, la montagne, et tout le pays du Midi, avec tout le pays de Gozan, la plaine, et la campagne, la montagne d'Israël, et sa plaine. Depuis la montagne d'Ala, qui monte vers Seir, même jusqu'à Baalga en la campagne du Liban, sous la montagne d'Hermon. Il prit aussi tous leurs rois, et les battit, et les fit mourir. Josué fit la guerre plusieurs jours contre tous ces rois-là. Il n'y eut aucune ville qui fit la paix avec les enfants d'Israël, excepté les Éviens qui habitaient à Gabaon, ils les prirent toutes par guerre. Car cela venait de l'Éternel qu'ils endurcissaient leur cœur pour sortir en bataille contre Israël, afin qu'il les détruisît à la façon de l'interdit, sans qu'il leur fît aucune grâce, mais qu'il les extermina, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. En ce temps-là aussi Josué vint et extermina les Anakins des montagnes, d'Hébron, de Débir, de Anab, et de toute montagne de Juda, et de toute montagne d'Israël, Josué, dis-je, les détruisit à la façon de l'interdit avec leurs villes. Il ne resta aucun des Anakins au pays des enfants d'Israël, il en demeura de reste seulement à Gaza, à Gath, et à Asdo. Josué donc prit tout le pays, suivant tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse, et il le donna en héritage à Israël, selon leurs portions, et leurs tribus, et le pays fut tranquille, sans avoir guerre.